transformer selon le modèle. Se lever. Lève-toi. Levez-vous. Se dépêcher. Dépêche-toi. Dépêchez-vous. S'habiller. Habille-toi. Habillez-vous. S'arrêter. Arrête-toi. Arrêtez-vous. Se taire. Tais-toi. Taisez-vous. S'asseoir. Assieds-toi. Asseyez-vous.